Charline. Oh là là là là, je suis trop contente. Parce qu'on va parler de la division chez les écolos. Mais non, parce qu'on a un super invité. Ah, il voudra pas parler des divisions chez les écolos. Ah bah non, ça je pense pas. Non. C'est un Ivoirien. Bah quoi, il y a pas de verre en Côte d'Ivoire. Bah non, non, je crois pas. Non. Ah bah ça, faudrait peut-être le dire à Jean-Vincent Placé. Il y a un quoi. Ah mais on s'en fiche des verres. C'est mon idole. Allez. Tikenja Fakoli. Génial. Vous êtes contents les garçons? J'adore la world music. Ah, c'est un chanteur. Non, c'est pas un chanteur, c'est le chanteur. Ah bah, écoute, moi je suis moins musique du monde que chante France. Bon, alors vous allez me travailler le dossier d'ici tout à l'heure. Okay, hein. Le mec est important, engagé, talentueux. Ah, est-ce qu'on peut dire que c'est le Michel Sardou africain? Laisse tomber, Alex. Bon, moi je vais me renseigner, Charline. Oui, bah très bien, Guillaume. Merci. Alors attends, comment tu dis le nom du Tikenja Fakoli? Tikenja Star. Plus connu que Michel Sardou. Attends, dernière question. Son prénom c'est Tiken et son nom Jah Fakoli, ou alors Tikenja le prénom et Fakoli? Ou alors Tikenja Fakoli? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah bah, c'est intéressant, on travaille le dossier, on commence par le début, tu nous engueules. Non, mais écoute, tu sais quoi, écoute ses disques, lis son histoire, enfin son prénom, on s'en fiche. Eh, tu le sais pas non plus. Elle c'est pas ton idole et tu sais pas son prénom. Mais non, bien sûr que si, mais bien sûr que si, mais vous ne mesurez pas le truc. Non, non, vous savez, si vous préférez, vous venez pas ce soir et puis voilà. Non, mais là, on sera ravis. Vous savez quoi, je vous exclue temporairement. Oh bah non, c'est réglé, c'est réglé. On se croirait à Europe Écologie Les Verts. Bah d'ailleurs, Jean-Vincent Placé, c'est Jean-Vincent Placé ou Jean-Vincent Placé? Jean-Vincent. Jean-Vincent. Bonjour la France Inter, et tiens, bonjour la France Afrique. On n'est pas sectaire, on va parler un peu de toi aujourd'hui. Vous écoutez l'émission qui recycle l'actualité, et voici les trois informations que nous allons d'abord trier jusqu'à 18h. Après le putsch au Burkina Faso, François Hollande demande de déposer les armes. Les putschistes tremblent devant Hollande, bien sûr. Voilà les conséquences du long règne de Blaise Compaoré, 27 ans, mais quel a été son secret pour tenir aussi longtemps? Ça marche à la bombeur. Comme ta fille. La dictée quotidienne est de retour alors que l'école est en pleine révolution numérique avec des textes qui se corrigent tout seuls. Pendant ce temps, le fossé se creuse un peu plus avec les écoles du pays du Sud. Je l'ai envoyé consulter nos vieilles encyclopédies. Notre fille Laetitia, celle qui veut qu'on mette des touches sur ses cahiers parce qu'un stylo c'est trop lourd à porter. Et il a suffi d'un clip pour que Lady Gaga et Francis Lalanne deviennent des chanteurs engagés. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Une chanson, si tu veux, pour moi, c'est prendre parti pour une cause, tu vois, puis y aller à fond, prendre des risques, tu vois. Ouais, prendre des risques. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés un humoriste très engagé dans le port de la chemise à fleurs. C'est Alex Vizorek. Je vous remercie. C'est d'ailleurs la chemise à fleurs que toute l'équipe m'a offerte pour mon anniversaire hier. Je suis très fier de la portée. Et qui dans l'équipe est là aujourd'hui? Eh bien à 17h20, c'est notre poète. Elle va à l'efficace, elle ne choisit qu'un seul mot. Et toute notre culture musicale s'élève. Et moi c'est pour ça que je l'aime. Une femme qui se contente d'un seul mot, eh bien c'est mon rêve. Bonjour Mélanie Bauer. Oh, mais ça commence très fort le mot. Bah c'est Burkina évidemment. Ah bah voilà, bien choisi. À 17h30 lui, il est incapable de se limiter à un mot, voire parfois il donne l'impression d'être payé aux mots tant il les utilise pour que ses interlocuteurs, eux, se les mélangent les mots de manière peut-être à livrer leur vrai sens. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Eh bien écoutez, moi je me suis rendu au mondial de la coiffure, figurez-vous. Eh oui, plein de coiffeurs et plein de produits très émouvants. Ouais, il y a toujours une émotion dans les produits, toujours. Ouais, on va parler émotion et produits de coiffure. Et à 17h40, lui, les mots, il les enfile tels des perles sur un collier. Et au final, il en enfile tellement que le collier pend jusqu'au sol. Il en fait alors une corde à sauter pour faire du sport, son autre passion. Bonjour Samir Bouadi. Salut Alex, salut Charline, salut à tous. Bah, je vais vous parler un peu de Marseille, de Lyon et de la moustache de monsieur Frédéric Thiriez, président de la Ligue de foot. Bon, intéressant. Allez, si tu écoutes J'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Et quel président? D'ailleurs, s'il présente dans un pays d'Afrique, il est élu tout de suite. Vous êtes né sous Félix ou Houphouët-Boigny. Vous sortez votre premier album solo, Mangécratie, en 96, l'année où les Spice Girls sortent leur premier single, Wannabe, un manifeste très engagé dans la futilité. Menacé de mort pour vos chansons, vous vous exilez au Mali en 2002, l'année où Le Pen est au deuxième tour de la présidentielle en France. Vous recevez une victoire de la musique pour votre album France-Afrique en 2003. C'est l'année où la France est championne du monde par équipe de pêche à la mouche. Non. Et je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Tikenja Fakoli. Ah, oui, voilà, je défaille. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. C'est vous, c'est vraiment vous, mais qu'est-ce qui me le prouve que c'est vraiment vous? Allez dire aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on ignore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'actisent et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. C'est Yannick Noah. Il a choisi la bonne parole pour notre émission, j'ai l'impression. Tikenja, vous sortez un nouvel album qui s'appelle Racine, un album de reprise. Et vous êtes quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans tous vos albums. Vous êtes un peu un guide aussi hein, pour tout le monde. Alors, vous dites souvent, j'ai trop de choses à dire pour faire des reprises. Et puis là, il y en a plein. Mais c'est toutes des chansons avec un fort message. J'en cite quelques-unes. La première, c'est Is It Because I'm Black de Ken Booth, par exemple, sur les Noirs du Ghetto. Get Up, Stand Up, évidemment. Chant de révolte de tous les opprimés de la planète. Qui chante ça? Bob Marley. Ah, oui, je connais bien. Attends, c'est ce qui est. On va refaire l'éducation musicale d'Alex Vizorek. Ou One Step Forward, par exemple, la promesse non tenue du Premier ministre, voilà, de Max Romeo. Donc, voilà, à chaque chanson, un message, c'est ça la ligne directrice de votre nouvel album, Tikenja? Oui, exactement. Je pense que j'ai repris ces titres-là parce que ce sont des textes qui sont encore d'actualité aujourd'hui, en tout cas en Afrique. Voilà, je dis au Burkina, les gens doivent se lever pour défendre leurs droits, pour que leur révolution soit respectée. En Côte d'Ivoire, les gens doivent se mobiliser pour aller aux élections, pour choisir le président qu'ils veulent, etc. Donc c'est des chansons qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Is It Because I'm Black, qu'on voyait des policiers américains tirer encore sur des noirs américains aujourd'hui parce qu'ils ont refusé d'obtempérer. C'est des titres qui sont d'actualité. Et donc c'est pourquoi j'ai fait ces. C'est Syl Johnson hein, au départ, hein, 1960. Ouais. Is It Because I'm Black Johnson. Et après c'est Ken Booth. Ken Booth, voilà. Heureusement que Mélanie Bauer est avec nous. Ça se répète un peu quand même. Ça se répète un tout un peu. Vous connaissez Bob Marley? Moi, je connaissais. Il y a Alpha Blondie aussi. Hein. Vous avez repris Brigadier Savary. Je pense qu'on ne pouvait pas faire un album comme ça sans avoir un titre d'Alpha Blondie. Parce que, vous savez, avant qu'Alpha ne chante en 82, nous, on était gamins. Hein, on pensait que tout ce qui était reggae devait être anglophone. Donc, parce que là, il n'y a personne qui chantait du reggae en français. Donc, faire un disque comme ça sans mettre un titre d'Alpha Blondie, ça aurait été dommage. Alors, c'est Michel Leb, hein, avant d'être Alpha Blondie. Hein, alors, après, quand même. D'accord. Et là, Tikenja Fakoly, vous signez sur un label de Megastar, sur le label de Madonna, sur le label de Lady Gaga. Vous avez signé avec Coca-Cola, qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que, voilà, c'est souvent, on m'a souvent reproché ça, mais je pense que, à partir du moment où on ne contrôle pas mes textes, si je peux profiter de leur circuit pour faire passer mon message, mais tant mieux. Il aurait été dommage de rester dans mon petit coin, dire non, je ne vais pas signer avec eux parce qu'ils sont ceci. Alors qu'ils peuvent me donner la possibilité de chanter devant un public plus large et faire passer mon message. Et de te porter, oui. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être la caution du label, la caution un peu engagée? Non, pas du tout, parce que mes textes, quand on écoute mes textes, quand on écoute mes textes, je pense que les gens ne vont pas dire que je cautionne, puisque je n'ai pas dévié du tout. Voilà, je n'ai pas dévié. En tant qu'artiste international, vous chantez partout. Est-ce que votre parole est plus forte quand vous l'utilisez dans les pays occidentaux ou quand vous l'utilisez chez vous, sur le continent africain? Je pense que ça... je ne dirais pas les mêmes impacts, mais en Afrique, on nous considère comme des porte-parole. Et ici, je pense qu'on attend de nous de dire ce qui se passe réellement. Parce que je vis en Afrique. Donc quand je viens dire que telle situation est n'est pas bien, etc., je pense que les gens ont besoin de savoir ici. C'est différent. Et on le sent pendant les concerts aussi. Parce que quand je chante en Afrique, les réactions sont différentes. Les gens sont là, ouais, c'est exactement ce qu'on voulait dire. C'est ce que je sens en fait. Bon, ici, les gens viennent me voir et me disent, ah, grâce à toi, je sais que la France-Afrique a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Je sais que votre colonisation, c'est une photocopie, etc. Donc voilà un peu la différence. Chacun y prend son message en tout cas. Là, on va écouter votre prise de Zimbabwe de Bob Marley and the Wailers. Tiens, un mot sur cette chanson Zimbabwe, celle-là, pourquoi vous l'avez choisie et quel message? Ouais, je pense que voilà, c'est une chanson que Bob a chantée, il pensait que Mugabe elle était à la hauteur. Quand on voit qu'il y a plus de 30 ans, Mugabe est encore là. Il est toujours. Hein. Il est toujours président et il ambitionne même positionner sa femme comme le prochain candidat de son parti. Donc je pense que Bob doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Oui, parce qu'il a chanté cette chanson pour fêter la constitution du Zimbabwe. Et ça représentait l'espoir et la solidarité qu'éprouvait Marley pour l'Afrique. Et voilà, et là Mugabe est toujours là. Mais Surtout Tikenja Fakoli est là avec nous et ça nous fait chaud au cœur. Vous êtes sur France Inter. Every man got a right to decide his own destiny. Fakoli, la touche africaine sur le son de Marley, parce que vous avez enregistré dans le fameux studio de Bob Marley en Jamaïque, et puis vous êtes revenu avec tout ça dans les valises au Mali, et vous avez ajouté la touche africaine. Oui, la chorale, le balafon, et je pense que c'est la preuve que la source du reggae, c'est l'Afrique. Même si le reggae a été créé en Jamaïque, comme les Jamaïcains eux-mêmes se réclament d'Afrique, donc ça veut dire qu'ils ont été arrachés à l'Afrique, et que c'est arrivé en Jamaïque, ils ont ouvert les valises et qu'ils ont sorti le reggae. Et c'est pour ça que votre album Tikenja Fakoli s'appelle Racine et que vous serez en tournée dans toute la France. Par exemple, le 16 octobre, vous serez au Dock des Suds à Marseille et vous serez par exemple au Bataclan à Paris le 5 novembre. Ouais, autour de cette on table. On rappelle que la drogue est interdite. Hein, parce que je vais donner évidemment très envie pendant la chanson. Je vais donc faire tourner le ouinge à toute l'équipe. À gauche, Mélanie Bauer qui passera à Samir Boidi et il restera Guillaume Meurice. Allez, à cette heure-ci, Tikenja Fakoli, les auditeurs ont le droit de savoir, c'est l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Scandale Volkswagen. Les voitures diesel étaient trafiquées avant de passer les tests de pollution, le monde est sous le choc, les voitures diesel pollueraient. L'ONU avec cette polémique, la nomination de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à un panel du Conseil des droits de l'homme. Le monde est sous le choc d'apprendre que l'Arabie Saoudite ne respecterait pas les droits de l'homme. Et enfin des brèves, le monde sera sous le choc, certaines brèves seront pertinentes. On commence par la politique. Le référendum sur l'union de la gauche se déroulera du 16 au 18 octobre. Il sera possible de voter via une appli sur les smartphones. Chacun pourra voter pour ou contre l'union de la gauche entre une photo de pizza sur Instagram et un like sur Facebook. Il y aura aussi des urnes installées sur les marchés par des militants PS. Emmanuel Macron a salué l'initiative par erreur. Il a cru qu'il s'agissait des marchés financiers. Voilà, Élysée, bonne nouvelle. La chienne de l'Élysée, Philae, a désormais son compte Instagram. Comme quoi François Hollande crée quand même de l'emploi. Community manager de photos de chiens. Et on reste à gauche. Oui, avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a des plans pour changer les arrondissements de la capitale. Excellente initiative de la maire de Paris. Et c'est vrai que j'ai entendu certains réfugiés dire « C'est fou, dans le 6e arrondissement, parfois on se croirait un peu dans le 14, il faudrait revoir un petit peu ça. » Réfugiés toujours, la Hongrie achète de la publicité pour mettre en garde ses réfugiés. C'est vrai. Donc des panneaux au Liban ont été achetés par la Hongrie pour dire que traverser les frontières, c'est un crime passible de prison. Robert Ménard s'est dit prêt à acheter quelques emplacements autour de Beyrouth pour annoncer que Béziers était une ville très dangereuse. Sans transition, passons à droite. Oui, le Parti des Républicains a perdu plus de 3000 adhérents en un an. Et je pense que dans ce cas-là, on peut parler d'une grosse fuite d'eau. Quant au PS, on n'a pas les chiffres, mais on peut parler d'inondation. Voilà, et sur ces 3000 migrants politiques potentiels, le Front National se dit prêt à accueillir l'entièreté du quota. Notez toutefois qu'il y a moins d'adhérents chez les Républicains, mais il y a plus de dons cette année. Oui, et c'est sans doute dû à la belle performance de l'Action L'Oréal. Et on reste en économie, Alex. Oui, avec l'affaire Volkswagen, la marque allemande est montrée du doigt après avoir trafiqué ses modèles diesel pour passer les tests anti-pollution. Elle encourt des sanctions et des milliards de dollars d'amende. De nombreux consommateurs disent qu'ils ne feront plus jamais confiance à la marque dont l'image sort ternie. Et franchement, réussir à ternir l'image d'une marque lancée par les nazis, il fallait le faire. Passons à l'ONU, tollé autour d'un diplomate saoudien au Conseil des droits de l'homme. Oui, et nous sommes en direct avec ce diplomate. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Ouais. Écoutez, je suis très fier déjà de mon accent et que le monde reconnaisse enfin notre gestion des droits de l'homme et l'accepte. Voilà, et vous comptez prendre donc des mesures dans ce... Oui, disons que pour régler les conflits conjugaux, la lapidation semble une solution efficace. Voilà, mais est-ce que le fait que la presse s'offusque de votre nomination, est-ce que ça vous dérange ? Pas du tout, pas du tout. Dès que nous serons installés, nous allons gérer les relations avec la presse et proposer de ne faire qu'une presse d'État, tout voilà, simplement. Parfait. Ben, en tout cas, bon travail. Travailler sur les droits de l'homme, on aime ça. Mais j'imagine. Merci, merci. Science à présent. La ville de New York veut transformer les déjections canines en énergie. Voilà, et si ça marche, vu l'état des trottoirs de Paris, je pense que nous pourrons abandonner le nucléaire. Une page sport à présent. Selon la presse sud-africaine, si leur équipe a perdu contre le Japon, c'était parce qu'il y avait trop de mouettes sur le terrain d'entraînement. Sans déconner, moi qui pensais que les Français étaient champions du monde de l'excuse bidon, avec mes joueurs sont restés dans le bus. Coupe Davis, avec ce titre dans 20 minutes, et si Yannick Noah utilisait ses chansons pour motiver les Bleus. Et il a une excellente technique, Tikenja, ça va vous parler. Il a dit à ses joueurs, si vous ne gagnez pas le match, je passe tout l'album dans les vestiaires. Ça risque de motiver. Et on termine par une leçon de journalisme donnée à Patrick Cohen. Et oui, et par qui ? C'est assez surprenant. Francis Lalanne était hier sur le plateau de France 5. Concentrez-vous, parce que c'est pas évident. Autrefois, il y avait davantage de journalistes d'investigation. Vous en faites partie. Et ces journalistes, en fait, ils faisaient des enquêtes et ils montraient ce qu'ils voyaient. Après, ils ont commencé à montrer ce qu'on leur montre. Et puis le problème, c'est quand ils disent que ce qu'on leur montre, c'est la vérité parce qu'eux le montrent. Mais parfois, ce qu'on nous montre, c'est justement quelque chose qu'on veut nous faire voir pour ne pas voir la vérité. Voilà, je vous laisse là-dessus. On en reparle demain parce qu'il faut le temps de le digérer. Effectivement. Nous sommes toujours en compagnie de Tikenja Fakoli, que Francis Lalanne a perdu, comme ça, mais on va le récupérer, Tikenja. Il nous a tous perdu un peu, Francis. On va aborder avec vous le premier sujet. Le putsch au Burkina Faso nous rappelle notamment que ces 7 prochains mois, 9 pays d'Afrique doivent élire leur président. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra rien. Ça va faire mal, nous dit Tiken Jafakoli dans votre album Coup de gueule. Voilà, le Burkina, c'est un pays dont l'histoire est très étroitement liée quand même à la Côte d'Ivoire aussi, qui est frontalière et dont vous êtes originaire. Le Burkina où la révolution avait été presque exemplaire il y a un an, qu'en tout cas moins de casse qu'ailleurs. Et les autorités de transition semblent avoir exercé un pouvoir quand même finalement un peu brutal ou n'ont pas été à l'écoute du peuple. La transition n'a pas fonctionné. Quel regard vous portez là-dessus, vous, Tikenja? Ben, je pense que le Burkina est en train d'écrire son histoire et que effectivement il y a des choses à revoir. Et c'est pourquoi il y a eu un blocage. Je pense que moi, ce que je vais conseiller, hein, c'est qu'il fallait pas qu'il y ait d'exclusion. Vous savez, la Côte d'Ivoire a connu une crise parce que il y a des gens qui ont été empêchés d'être candidats. Mm-hmm. Je pense qu'il faut laisser le choix au peuple de choisir. Alors ça veut dire que donc au Burkina, il y a des candidats qui ont été empêchés d'être candidats parce que on a bloqué le processus, notamment pour l'ancien entourage de Blaise Compaoré, etc. Exactement. Et moi, je suis avec les révolutionnaires. Je suis ami avec les gars du Ballet Citoyen, etc. Donc c'est eux que je soutiens. Mais je pense que il faut éviter l'exclusion. Parce que juste la Côte d'Ivoire est à côté et tout le monde sait au Burkina Faso pourquoi la Côte d'Ivoire a connu cette situation. Parce que pendant des années, on a empêché Alassane Ouattara d'être candidat. Et donc ça a créé des frustrations, ça a créé une rébellion, et etc. Je pense que c'est ce qu'il fallait éviter. Et on n'a pas retenu les leçons du voisin dont on est si proche finalement. Voilà, je pense que ça a été l'erreur de la transition. Mais sinon, il faut continuer les enquêtes, il faut que les assassins de Thomas Sankara soient punis, il faut éviter de laisser les gens... ce pays dans l'Afrique dans l'impunité, parce que si on arrive à corriger les erreurs, les gens qui voudront faire des choses vont réfléchir plusieurs fois. Ouais. Et il faut les corriger parce que effectivement, donc dans ces 7 prochains mois, 9 pays d'Afrique doivent élire le président, dont la Côte d'Ivoire. C'est une dernière question. François Hollande menace les putschistes et leur demande de déposer les armes. Vous croyez qu'ils ont peur, les putschistes, de François Hollande? Je pense. Vous savez, pendant longtemps, la France a été derrière tous les coups d'État. Hein. Avant de faire un coup d'État en Afrique, les militaires s'assurent d'avoir la France ou les États-Unis derrière eux. Ça, c'est pas caché. Donc ça va prendre un peu de temps pour qu'on se sépare de ça. Mais je pense que la réaction de François Hollande jouera un rôle important. Parce que sa parole a du poids. Il y a 2 jours, 3 jours, il y a des jeunes qui commençaient à dire sur le net, sur mon Facebook, c'est sûr que la France est derrière, c'est sûr que les États-Unis sont derrière. Uh-huh. Donc quand les pays occidentaux commencent à prendre position comme ça, ça permet de faire avancer les choses. Je sais aussi que Barack Obama a pris position au Burundi par rapport au 3e mandat, que François Hollande a pris position. Je pense que notre génération qui a envie de changer les choses a besoin de soutien comme ça. Mm-hmm. Ça nous donne de la force pour et de voix fortes comme Barack Obama qui a notamment dit « L'Afrique a plus besoin d'institutions fortes que d'hommes forts ». Voilà pour le sujet. Exactement. Mélanie Bauer. C'est moi. Politique, musique, engagement, ça se rejoint avec Tiken Jafakoli. Absolument, absolument. On va rester exactement dans le même sujet, hein, puisque la musique, pour vous, Tikenja, c'est une arme politique. Vous l'utilisez, hein, comme votre compatriote Alpha Blondy, pour ouvrir les esprits, et chez nous, hein, mais aussi dans votre pays d'origine. Et en ce moment, ce pays frontalier, on le disait, de la Côte d'Ivoire, le Burkina, l'utilise plus que jamais pour faire passer des messages à sa jeunesse. Alors, la musique au Burkina Faso, il y a un avant et un après 15 octobre 1987, date de la mort du Tché burkinabé Thomas Sankara. Le reggae et le rap s'imposent, se mélangent aux sonorités traditionnelles. Au départ, ces artistes sont perçus comme des voyous, des drogués, des désœuvrés. Mais aujourd'hui, ils sont pionniers, hein, d'une musique militante qui reflète les aspirations des jeunes. En 2000, apparaît le festival Waga Hip Hop. Vous avez dû y aller, Tikenja. Non, j'ai pas encore fait Waga Hip Hop, mais j'ai fait des concerts là-bas. Ouais. Un rendez-vous donc en octobre qui rassemble ces nouveaux artistes. Les pionniers de ce rap sont Smokey, qui est né d'un père burkinabé et d'une mère française. Il s'appelle en réalité Serge Bambara. Smokey sera le premier à oser rapper en français, à monter son studio. Il a cofondé l'association, on en parlait, Le Ballet Citoyen en 2013. Ce collectif a joué un rôle essentiel, hein, lors des manifestations qui ont abouti à la démission forcée du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le 31 octobre 2014, après 27 ans de règne ici, le 11 avril dernier, il appelait la jeunesse à s'engager pour parfaire la révolution à travers le vote. Nous encourageons véritablement les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et aller voter. Pourquoi ? Parce que si tu ne t'inscris pas, tu n'as qu'un choix, celui de ne pas voter. Par contre, si tu t'inscris, tu peux toujours ne pas voter, mais tu peux aussi voter, c'est-à-dire choisir le candidat de ton choix. Et tu peux voter conscient aussi. Parce que vous savez, il ne faut pas qu'on se flatte. On peut, à tout moment de ce processus, on peut se faire avoir. Il suffit de se baisser un peu trop. Bon, la nature a horreur du vide. Donc il faut véritablement que cette jeunesse-là soit motivée, soit armée. Et sa seule arme, à mon sens, pour les élections présidentielles, c'est la carte d'électeur. Voilà pourquoi on a monté ce concept. Après ta révolte, ton vote. C'est plus clair que Francis Lalanne. C'est joli cette image, oui. La nature n'a très peur du vide, hein, il ne faut pas se baisser. Il écrit hein, Smokey, depuis 2 ans, le spectacle Nuit Blanche à Ouagadougou, qui raconte la chute du pouvoir de Compaoré avec des chansons dans cet esprit-là. 1. Je ne ressemble à personne. 2. Personne n'est mieux que personne. 3. De compte à rendre à personne. Donc comme j'ai dit tantôt, je ne me soumets à personne. Personne, même. Alors tous ces musiciens, ils ont bravé les intimidations pour imposer leurs propos et rallier les gens à leur cause. On pense aux Artistes Unis pour Norbert Zongo, hein, le journaliste assassiné le 13 décembre 1998, ou encore le regretté Black Soman avec sa chanson Le système du vampire, qui sont des symboles, hein, pour cette nouvelle génération de musiciens qui se bat contre la peur. Black Soman. Quelqu'un dispose tout ce qu'il faut pour être l'homme le plus bérumé. La manière par laquelle il est passé me donne la chaîne et pourri. C'est pourquoi j'ai dit aïe, ses doigts sont tachés de sang. C'est pourquoi j'ai dit aïe, ses doigts sont tachés de sang. Quelqu'un possède tout. Ses mains sont tachées de sang. On pourrait citer aussi dans les chansons, vous allez me dire si vous en connaissez, le chapeau du chef de Smarty, ou encore Técré, du collectif Técré, ou encore Pays des intègres de Humaniste, ce président-là de Sameska Lodja. Enfin bon, c'est des morceaux très très emblématiques au Burkina qui prédisent, enfin qui espèrent, la chute du régime. Enfin, on ne peut pas terminer cette chronique sans rendre hommage à Victor Démé, hein, découvert par Camille Louvel, le gérant du Ouagadougou Jungle, un bar associatif de Ouagadougou, et le journaliste David Comeyas, qui doit être très triste en ce moment, et qui ont produit donc son premier album sur le label français Kappa Blues, alors qu'il avait déjà plus de 40 ans. Et son titre, John Maya, c'est un carton international. Victor Démé, qui vient de nous quitter, donc victime du paludisme. Pour lui rendre hommage, cette fameuse chanson remixée par le duo électro-français Synapson, une nouvelle version qui a rythmé notre été sur France Inter. Quant à son troisième album, il y a Café, il sortira le mois prochain et pour le coup à titre posthume. d'aimer qui vient de nous quitter avec Synapson, John Mayama. Je vous encourage aussi à écouter le Victor d'aimer John Maya, l'original aussi, très magnifique. Ouais. Et oui, nous sommes en compagnie de Tikenja Fakoli qui sort un nouvel album, un album de reprise qui s'appelle Racine. Et vous serez au Théâtre National de Bruxelles le 31 octobre et vous serez le 28 novembre au Centre des Congrès d'Épinal, notamment avec Sins Emilia pour un concert pour une école, c'est ça. Donc la sixième école qu'on va construire, parce qu'on a déjà construit deux écoles primaires en Côte d'Ivoire, une école primaire au Burkina Faso, une école primaire au Niger, un collège au Mali, et là ça va être la sixième école. Et notre rêve, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain pour montrer l'importance de l'éducation dans nos pays en voie de développement. En France aussi, ça pourrait être pas mal d'ailleurs. Oui. Les aider à monter les écoles. Oui, pour offrir des tablettes aux enfants. Oui, c'est un sujet dont on parlera tout à l'heure avec vous, Tikenja Fakoli. Ouais, ouais. Parce que ça, à cette heure-ci, c'est le moment Meurice. Alors je sais pas là où vous êtes allé, s'il y avait des dreadlocks, des choses comme ça, Guillaume Meurice. J'en ai pas vu, mais c'est vrai qu'il en était question. Parce que moi, je vais vous dire, Charline, j'en ai un petit peu marre. Je vous entends parler politique, actualité, là, de la guerre. Mais merde, à la fin, on ne parle que de fond dans cette émission. Tous les jours, on change le monde. Moi, j'en ai marre. Je sais pas, c'est quoi le but? Vous voulez vivre dans un monde où un spectacle de danse hongrois sur Arte fait plus d'audience que les ch'tis à Mykonos? C'est ça que vous voulez? Non, mais dites-le. Vous voulez moins de supporters de foot et plus de Samir Bouadi? Moins de Christophe Maé et plus de Tikenja, c'est ça? Moi, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai mal à ma France Inter. Voilà, alors heureusement que je suis là pour vous ramener au bon sens, celui des responsabilités et des priorités. Je me suis rendu au Mondial de la coiffure. Ah, voilà. Et je voulais vous dire, ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Attendez, parce qu'il y a un avant et un après, vous allez voir. Hein. Alors j'ai rencontré évidemment plein de gens formidables qui, au lieu de se préoccuper de futilités comme vous, se préoccupent de l'essentiel, leur coupe de cheveux. Par exemple, ce superbe jeune homme avec une coupe de cheveux en brosse bleu turquoise. Bah, j'ai pas une brosse. Ah, c'est pas une brosse, pardon. Qu'est-ce que c'est? Il va m'énerver, le monsieur. Oula, non, alors on se calme, c'est un petit peu violent. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai pas les codes. Il me faut un petit temps d'adaptation. Par exemple, à un moment donné, au milieu des stands, je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a une voiture de flic qui est garée. Là, je voyais un gyrophare. Et non, c'était une dame, en fait, avec une couleur de cheveux, comment dire, voyez, rouge, le rouge, voyez ça? Oui. Et bien, encore plus rouge, un rouge que même Vigipirate, il a jamais pensé, vous voyez. Alors, du coup, je suis allé la voir. Vous avez perdu un pari? Non, c'est... C'est vous qui vouliez ça? Ouais. Mais c'est du tuning de cheveux, là, c'est plus du cheveu. Mais ça renvoie aussi l'image du salon. Faut que nous, on soit bien coiffés. Mais oui, mais elle était bien coiffée, hein, c'est pas la question. Par exemple, si elle fait du ski hors piste et qu'il y a une avalanche, bah, elle est tranquille. Hein, elle va être repérée en premier, c'est parfait. Idem en voiture, hein, pas besoin de gilet jaune, c'est moderne. Alors, il n'y avait pas que du moderne au niveau coiffure. Je me coupe les cheveux tout seul. Je suis coiffeur moi-même. Ah, vous êtes coiffeur et vous vous coupez les cheveux tout seul? Oui, bon, j'y mets un petit coup de temps en temps, vous voyez bien comme je suis fait. Oui, je vois bien, c'est un peu court sur le dessus et long dans la nuque. Voilà. Oui, mais c'est le style... C'est le style des années 70. Oui, c'est vrai, le style qu'on ne regrette pas d'ailleurs, hein, la fameuse nuque longue qui a débuté dans les années 70 pour finir avec MacGyver, hein, dans les années 90. Mais normalement, après, on avait dit qu'on arrêtait ça, hein, qu'on ne faisait plus. C'est même considéré comme un crime contre l'humanité. Même les mecs de Daesh, ils n'osent pas porter une nuque longue, d'accord? Alors, ça, c'est pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de cheveux. Mais il y a aussi des gens qui en ont peu. Et pour ça, il y a une solution révolutionnaire, c'est R30. Alors, R30, c'est une sorte de poudre, hein, qu'on applique directement sur le crâne. Plus d'explications avec le porte-parole de la marque. Ce sont les mêmes protéines organiques que vos cheveux, c'est de la microfibre de kératine. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont un manque de densité ou des problèmes de calvitie, on leur a trouvé une solution, c'est de leur donner l'effet du cheveu retrouvé en moins de 30 secondes chrono. L'effet est immédiat. Immédiat, exactement. Par exemple, Alain Juppé, il met votre produit et immédiatement, c'est Francis Lalanne. Oui, il se sentira mieux dans sa peau déjà. Oui, surtout si on imagine la peau de son crâne parsemée de R30, ambiance île flottante saupoudrée de cacao, carton assuré à la primaire chez les pâtissiers et les chauves qui bronzent avec une passoire sur la tête. Alors, rappelons qu'il y a d'autres techniques, hein, pour cacher une calvitie. Il y a la technique, je me laisse pousser une mèche sur le côté, oui, et je la rabats sur le dessus. Hein, la fameuse technique Alain Duhamel. Très, très philo. Oui, très philo. Alors, R30, ce n'est pas le seul produit qu'on peut se mettre sur les cheveux. Il y en a d'autres, comme quoi? Comme le soda éclaircissant, qui n'existe nulle part ailleurs. Le soda éclaircissant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eau de rinçage qui remplace ce que pourraient faire la mer et le soleil, sans avoir d'action chimique sur le cheveu. Donc voilà, si on veut une blonde naturelle, sans abîmer ses cheveux, on met du soda éclaircissant. Ça, ah, ça pour être blonde naturelle, on met un produit dessus? Exactement. Mais oui, évidemment. De même que pour être naturellement musclé, il faut se gaver de protéines de synthèse. Et pour avoir naturellement de gros seins, il faut mettre du silicone à l'intérieur, évidemment. C'est logique. Donc vive le soda éclaircissant. Mais pas seulement, cette coiffeuse présentait une autre innovation, le bar à franges. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, un bar à franges, c'est un fantasme capillaire féminin extrêmement répandu. Donc ce sont des franges à clip. Ce sont des cheveux 100% naturels. La provenance, c'est le Brésil. Donc il y a des Brésiliennes qui vendent leurs franges. Ouais, absolument, absolument. Mais le cheveu est un gros, gros marché et pas seulement un marché qui profite à des gens malheureux. Donc c'est un. Nous, on le fait dans l'éthique. On achète des cheveux de personnes qui ne sont pas, on va dire, obligées de les vendre. Ou, voilà, on y fait très attention. C'est un service. Ils vendent leurs cheveux par plaisir ? On vend des tas de choses sur le bon coin, tous, parce qu'on en a plus besoin, pour se faire plaisir. Donc c'est la même chose, voilà. On peut vendre une frange sur le bon coin. Bah, ça fait bizarre d'acheter la touffe de quelqu'un d'autre sur le bon coin, mais on pourrait. Mais oui, il vaut mieux acheter la touffe d'une Brésilienne dans un bar à franges, évidemment. Alors allez-y, mollo, quand même, hein. Rappelons que l'abus de franges est dangereux pour la santé. Je parle bien sûr de la santé mentale. Concluons avec cette même coiffeuse. On ne peut pas laisser les cheveux juste sans rien. Ils sont toujours un petit peu agressés par tout un tas de choses, la vie quotidienne et tout ce qu'on leur fait subir pour changer les couleurs, etc. Par exemple, mettre des trucs dessus. Eh bien, bien évidemment, pour protéger vos cheveux des agressions que vous leur faites subir en mettant des produits dessus, il existe une solution, mettez d'autres produits dessus. Et ça, ça nous ramène à l'actualité. Hein. Pour résoudre les problèmes créés par les politiques, il arrive que des électeurs votent encore et toujours pour les mêmes politiques. Voyez, on revient au fond. Même si on continue comme ça, on va bientôt le toucher. Merci Guillaume Meurice. Vous, Tikenja, les problèmes de cheveux, vous avez résolu ça en refaisant vos racines. Oui. Tikenja, il n'y a pas... Hein, c'est quoi, c'est les dreads, c'est quoi? C'est les dreads. Ah bah voilà, ouais. Les dreads, c'est facile à l'entretien, non? Ouais. Hein, ouais. Je vous sens concerné par les problèmes de coiffure. Je vous dirais qu'une petite frange brésilienne, ça vous irait pas mal. Ouais. Ne sous-estimez pas. Allez, le sujet 2 avec vous, Tikenja. Travailler sur des supports numériques à l'école ne favorise pas la réussite scolaire. En revanche, ça favorise les inégalités, dont la France est déjà championne. Et puis plus tard, on voit le résultat. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été? Ils le sont encore. Ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourirais si je viendrais avec toi. Ou à l'autre. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec votre ami. Ou même en famille. Les nuls, quand Canal était encore Canal. Alors, Tikenja Fakoli, quand on voit ici qu'on se pose des questions sur les tablettes à l'école, il y a quelques écoles en France où tous les livres ont été remplacés par des tablettes. Il y a quelques écoles en Afrique parfois qui utilisent aussi les tablettes, mais est-ce que l'école, là, c'est pas aussi l'indice que le fossé se creuse de plus en plus quand vous faites des concerts pour construire des écoles et que nous, on se dit, bon, tablette ou pas tablette, est-ce que là, il y a un indice d'écart incroyable entre le Nord et le Sud? Je crois qu'il y a un indice. Il y a un indice, ça crée forcément une injustice parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des pays qui n'ont pas les moyens de donner des tablettes à tous les élèves. Donc effectivement, ça crée un problème. Déjà en Afrique, quand l'élève peut aller à la cantine et avoir un plat de riz, c'est déjà formidable. Ouais. Donc le coup de la déjà tablette. un table banc pour s'asseoir, parce que c'est ça. Moi, j'ai vu des écoles en Afrique. Il y a un village où on a construit une école, les enfants ils s'asseyaient par terre. Il y a un petit village que j'ai visité aussi au Burkina Faso quand j'étais en campagne avec Action contre la faim. J'ai vu une école dans un petit village, je pense que j'ai eu les larmes aux yeux. Ils sont 90 par classe et ceux qui n'ont pas de table sont assis par terre. Et effectivement, je pense que ça va créer un fossé. Et souvent même le ventre vide, c'est d'ailleurs ce que vous chantez dans vos chansons, Tikenja Fakoli. Vous avez des bons souvenirs de l'école étant petit? J'avoue que à l'école primaire c'était un peu chaud. C'est d'ailleurs pourquoi mon père m'a expédié dans un petit village, pour que j'arrête de danser, parce que moi je préfère danser. Eh oui. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que je regrette d'avoir pas fait de longues études. Mm-hmm. Voilà, parce que mon père est décédé en 87 et nous étions 5 garçons à l'école et mon grand frère qui était l'héritier ne pouvait pas assurer la scolarité de tout le monde, donc il fallait que d'autres cèdent la place. Et moi, comme je voulais faire la musique, j'ai été le premier à lever le doigt. Voilà. On vous a dit vous danser et bien chanter maintenant, Tiken Jafakoli. Samir Bouadi, oui. Vous êtes... Vous étiez un bon élève ou pas? Je sais pas, on va voir avec votre chronique. Oui, on va plutôt, ouais, ça va être le barème. Non, parce que je me suis posé la question de savoir de quoi je vais reparler aujourd'hui finalement. Alors, rassurez-vous, hein, Tiken, je ne vais pas revenir sur les événements qui ont émaillé, comme on dit, hein, la rencontre OM-OL dimanche soir, rassurez-vous, hein. Je vais pas faire comme tout le monde, dire que certains supporters de foot sont des crétins, des débiles mentaux, des tarés avinés, rejetons de viande marinée à la bière chaude. Non, non, je ne vais surtout pas dire que Marseille, c'est spécial. Et ce, depuis que le grand Bernard Tapie a décidé de se payer des voix en confiant à certains clubs de supporters la billetterie des matchs, hein, et on sait que depuis c'est la chienlit sur la canebière. Non, je ne vais pas dire ça, je ne dirai pas ça. On ne l'a pas dit d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, on l'a pas entendu. Mais jamais de la vie. Je ne vais pas faire comme tous ces grincheux qui affirment haut et fort que le président Labrune, donc Marseille, hein, est un cynique manipulateur, qu'il s'appuie sur la vindicte niaiseuse des vagues populeuses pour surfer jusqu'aux îles vierges de toute intelligence et y asseoir son trône. Non, non, je ne suis pas de ceux-là, de ceux qui caquettent que le président du club de Lyon, monsieur Aulas, est un fourbe truqueur qui joue l'indigné, qui se drape plus souvent qu'à son tour dans une étoffe de noblesse à peu de frais acquise, une étoffe rouge sang qu'il porte ensuite en drapeau, qu'il secoue au nez de la masse. La masse, la masse, ce taureau pluriel qui n'attend que ça pour jouer du sabot et s'engouffrer dans le piège des trajectoires linéaires. Non, non, je ne dirais pas que ces deux dirigeants du foot français utilisent à leur avantage la vacuité du destin du supporter lambda pour vendre du maillot, acheter du cador et se vautrer dans l'autosatisfaction, dans le bilan, hein, dans le classement, dans le non-sens des chiffres qui ne sont pas, je suis désolé, ceux du chômage. Non, non, non, non, non, je laisse ces critiques faciles et mièvres aux spécialistes. Non, moi je reste à ma place, hein, je suis un type normal, moi je suis qu'un amoureux du beau jeu, un naïf finalement en ce sens. J'aime beaucoup Valbuena, cet ex-joueur de l'OM qui a tenu longtemps la baraque du club phocéen et puis de l'équipe de France aussi d'ailleurs, pour se voir ensuite traité de vendu, de pourri, tout ça parce qu'il est un peu petit d'ailleurs. D'ailleurs, certains supporters de l'OM sont allés jusqu'à le figurer pendu à une potence. Alors même si le mannequin lui ressemble peu, hein, faut être honnête, on peut quand même rendre hommage au créateur de l'effigie qui, pour qu'on ne le confonde pas avec un autre, l'ont affublé d'une paire de chaussures immense. Hein, hein, c'est histoire de bien marquer la petite taille du joueur. Bravo les gars, vous maîtrisez la notion de l'échelle. Enfin, pas toujours, parce que quand on pense à l'immense pénis peint sur le dos du faux Balduena, hein, qui fait en grosso merdo la taille de son buste, là on se dit qu'on est bien à Marseille, hein, quand même. Hein. Et peu cher, hier j'ai pêché une truite de 4,75 m. Ensuite, j'ai honoré Pomponette pendant 8 heures. Et je peux te dire que je lui ai dévissé la perruque à celle-là. Mon pénis faisait au bas mot 4,75 m. Bref, je vais arrêter avec ça pour revenir à l'histoire de ce match pourri. Je ne dirais pas, comme tant d'inconscients, qu'on n'attend rien de M. Thiriez, patron de la Ligue, et de sa commission de discipline aussi raide que sa superbe moustache. Non, non, je ne dirais pas ça. L'homme en question est un lyrique amoureux d'Offenbach et de ses opérettes. Et dans le cas, dans le contexte qui nous intéresse, l'opérette, ça pourrait être utile. Non, non, restons optimistes et surtout objectifs. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils ne diront pas ce que les autres disent uniquement pour ne rien dire. Non. C'est du Francis Lalanne. C'est exactement du Francis Lalanne. C'est exactement. Non, mais c'est juste que, comme dit le proverbe lapon, hein, la vache qui pète n'a rien à faire en Laponie parce qu'en Laponie, il n'y a pas de vache. Alors de là à dire que les dirigeants dont je viens de parler n'ont rien à foutre à la place où ils sont, il est un pis que je ne franchirai pas. Samir Bouadi, merci. Vous supportez quel club, vous, Tikenja? Vous avez l'équipe nationale? Moi, je supporte l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ah, quelle surprise! C'est étonnant. Ou bien, quand il y a la Coupe du Monde, qu'il n'y a pas de pays africain, effectivement, je supporte la France. Ah, quand même. Voilà. Tikenja est avec nous. Ouais. Troisième sujet. Tiens, c'est pas facile tous les jours d'être un artiste engagé, vous le savez bien. Le message de Francis Lalanne n'a pas été bien entendu à cause d'une pointe de maladresse venue brouiller le message de sa chanson sur les réfugiés. Quant à Lady Gaga. Cette maladresse, ça s'appelle le talent. C'est ça. Quant à Lady Gaga, elle vient subitement de délaisser l'outrance gratuite pour le clip engagé contre le viol des étudiantes sur les campus américains. Ah, l'art délicat de la chanson engagée. We fight the world, we fight the world, we fight the children, we fight the children. We fight the world, the forest and the sea. Ah, so let us do it. C'est un standard de la chanson engagée. We fuck the world, we fuck the children. Les guignols de l'info, c'était quand Canal était encore Canal. Alors, Francis Lalanne a quand même fait 400 000 vues pour sa chanson Ouvrir son cœur. Alors, on vous l'a montré juste avant cette émission, Tikenja, hein, donc un piano, un fond comme un fond d'écran de PC, c'est-à-dire un coucher de soleil. Quelque chose d'un peu maladroit. Mais donc, Francis Lalanne s'explique dans Le Parisien, il dit il a voulu un contraste entre l'univers poétique qu'il a en lui et qui chante à l'intérieur de son cœur et celui du réfugié sur les routes. Bon, alors quand on est chanteur engagé, ce genre de maladresse, ça brouille un peu le message, non ? Non, je pense que moi, je pense que Francis Lalanne, c'est un artiste, donc un humain, un Français, un Européen qui voit les réfugiés qui est arrivé, donc il a été touché, il a fait une chanson. Il a fait une chanson où il exprime ce qu'il ressent. Donc, c'est bien que des artistes connus réagissent. C'est bien, je pense que le contraire. Il a le mérite d'avoir réagi déjà. Moi, je pense qu'il a le mérite d'avoir réagi. Il y a des artistes qui ont des grands noms aujourd'hui, qui ont des grands noms et qui s'en foutent. En fait, qui, on les fout de sa gueule. Voilà, qui chantent. C'est pas vrai, on cherche à comprendre. C'est chiant. Mais non, on cherche à comprendre où ça arrive. Je trouve que Tiki a déjà raison. Il y a juste ce qui est un peu amusant. Mais quel faux cul, il se fout de sa gueule toute la journée dans le bureau. Je vais vous dire, moi, me fait rire, c'est que Francis Lalanne justifie ce qu'il a fait. On lui demande pas de justifier. Il a passé son message, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Ouais. Mélanie Bauer. Après le souci, moi j'ai lu votre article du Parisien, c'est que visiblement il a écrit cette chanson Ouvrir son cœur en 2002, après la fermeture du centre d'accueil des réfugiés de Sangatte. Puis il a réalisé le clip en 2009 et là il ressort son vieux machin. Il a recollé une image. Et il recolle une vieille image d'enfant mort pour arriver à bien nous faire pleurer. Bon, Lalanne, ça a toujours été le ceci. Ouais. Il a peut-être cherché un petit peu trop le larmoyant. Quand on est chanteur engagé, est-ce qu'il faut chercher évidemment la sensibilité ? Et puis il a ressucé. Ouais. N'allons pas jusque-là, calmez-vous. Non, je pense que chacun a le droit de ce qu'il pense de l'artiste. On a dit qu'on voulait se foutre de ça. Mais moi, je trouve que le fait qu'il ait réagi, c'est bien déjà. Parce qu'il y en a qui s'en foutent. Il y en a, il y a des trucs qui se passent dans le monde. Tant qu'ils peuvent faire leurs concerts, vendre leurs albums, prendre leurs sous, le reste, c'est pas leur problème. Donc moi, c'est comme ça que je vois. Une chose est sûre, il ne va pas faire d'argent avec ça. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais voilà. Lady Gaga, elle, donc, a fait un clip choc, 7 millions de vues, et un message, une étudiante sur 5 sera agressée sexuellement cette année. Donc là, il y a... Voilà, donc, c'est une autre forme d'engagement avec un clip Lady Gaga qu'on avait connu dans l'outrance un peu gratuite avec ses robes en viande et ses burkas roses. Là, manifestement, elle devient engagée. Je vous encourage à voir le clip, mais à ne pas mettre sous tous les yeux si vous êtes un petit peu jeune. À cette heure-ci... Ça, c'est la meilleure façon que les jeunes aillent dans le c'est pas un vieux singe con, hein. Bon. Oui. Tikenja Fakoly, on a un petit exercice de style à vous demander. Est-ce que vous acceptez un rôle dans un sketch ? Vous allez voir, c'est facile. La bonne réponse est oui, bien évidemment. Tous les invités ont accepté. Alors, je vous raconte l'idée du sketch, c'est qu'en ce moment, l'Europe se déchire sur l'accueil des réfugiés qui viennent d'Afrique. Eh bien, j'ai imaginé l'histoire inverse. Et si les rôles étaient inversés, nous sommes une famille d'Européens, on vient chercher un monde meilleur en Afrique, on y va. On y est ? Ah ben enfin, tout ce voyage ! Le petit dort ? Non, je dors pas ! On est bientôt arrivés ! Ça fait un mois que tu nous demandes ça. Oh là là, il y a un habitant qui nous appelle ! C'est vous là. Eh oui. On y est ? Oui. Ah non, vous c'est les ronds jaunes. Ok. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ah ben, on est réfugiés, on a quitté l'Europe. L'Europe ? C'est où ? Mais c'est ce continent que vous avez colonisé, puis pillé, puis abandonné. Oh là là ! On vous a appris beaucoup de choses aussi. Non mais pas le vivre ensemble malheureusement. Vous pouvez nous accueillir monsieur. Écoutez, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui mais enfin c'est la guerre chez nous, l'État britannique nous menace. Oui, ils sont influencés par un livre qu'ils lisent tout le temps, Harry Potter, et ils terrorisent la région. Est-ce qu'on pourrait travailler ? Non, pas tout de suite. Ça prend du temps et il y a beaucoup de chômeurs chez nous, vous savez. On aura une réponse quand ? Ça prend environ 9 mois, quand même. Mais... vous avez une formation ? Je suis chirurgien. Vous avez étudié où ? Pierre et Marie Curie à Paris. C'est pas reconnu ici. Ah. Faudra recommencer à zéro. Ah. Bon, on peut rester, monsieur. Il est mignon, le petit. Vous faites beaucoup d'enfants, le blanc, quand même. Mais c'est pas ma question. On peut rester, monsieur. Vous êtes beaucoup. Il y en a beaucoup qui suivent, on ne peut plus dormir sur les arbres. Vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à retourner à Paris. Pardon, c'est ce qu'on aimerait, c'est qu'un Francis Lalanne africain écrive une chanson pour nous. Oh non, si Tikenja vous raconte, il risque même de le faire. Merci Tikenja Fakoli, quand l'histoire se renverse. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous pour faire des blagues, Tikenja Fakoli. On a blagué sans tuer. Mais je n'exclus pas le fait que c'est quelque chose qui risque d'arriver un jour. Vous savez, là-bas, l'été, ça continue. Donc l'été se continue, il y a beaucoup de terres à construire, il y a tellement de choses. Je pense que l'Afrique c'est l'avenir, il ne faut pas s'étonner que dans 50 ans, la situation se renverse. Mm-hmm. Eh oui. Vous nous accueillerez. Hein, vous nous accueillerez, Tikenja. On verra si vous avez des diplômes. Tikenja Fakoli était avec nous. Merci. Je rappelle votre dernier album, magnifique album de reprise qui s'appelle Racine. Et vous serez au Doc des Suds, le festival à Marseille dont France Inter est partenaire. Ce sera le 16 octobre. Vous serez aussi au Bataclan à Paris le 5 novembre. Et je vous encourage à aller aussi à Épinal. Ce sera le 28 novembre avec Cinzia Emilia pour un concert, une école. Tikenja Fakoli, on était très flattés de vous avoir avec merci, nous. Bonne merci. Tournée en France. Et merci. Tiens, voici le mot de la fin. Une leçon de journalisme qui vous est offerte par Francis Lalanne. Le problème, c'est quand ils disent que ce qu'on leur montre, c'est la vérité parce qu'eux le montrent. Mais parfois, ce qu'on nous montre, c'est justement quelque chose qu'on veut nous faire voir pour ne pas voir la vérité. Il est fatigué en ce moment.